lafabriqueculturelle.tv. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. La rentrée culturelle, c'est à Méduse que ça se passe. Le 8 septembre, dès 17h, venez profiter d'une soirée festive et gratuite pour découvrir les expositions, nombreuses activités, visites, ateliers et formations. La bande vidéo tiendra un lancement spécial 40e anniversaire dans les locaux de la Manif d'art. Méduse, un lieu de vie unique et stimulant pour la création, production et la diffusion artistique. Détails sur méduse.org. L'univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement durable. De plus, elle vous propose la plus alléchante gamme de forfaits pour savourer les plaisirs de la vie dans la capitale nationale. Vieux-Québec, Plaine d'Abraham, Grande Allée. 1-877-522-8108. Réservez en ligne sur hôtelchâteaulaurier.com.